ضيف ما بان حاله. Solitaire au regard un peu fou, se promener l'hiver quand on est debout. Il trouve sans chercher une meuf de loup, qui suivit sans juger, n'comprenne rien du tout. Il marchait des jours, des semaines et des mois, en suivant simplement de la meute des lois. Il souriait parfois, sans exploser de joie. Il rêvait très souvent, cachant son sans le dire, il le regardait le soir, après une inconnue qui lui donnait de l'espoir. Dans la course des jours se reflétait le noir, dans sa vie perdue au milieu d'une foire. Puis un jour, pourquoi, lui en pleine ripaille, il croisa le regard dans la bande rivale une belle qui lui fit une telle bataille, qu'elle envie dans la nuit de course vers la mort. Solitaire, appris à faire du feu, appris d'autres manières, appris à être heureux. Il était un géant quand sa belle souriait, savait être enfant quand celle-ci criait. Ils ont formé alors une bande à eux seuls, bien des autres ont suivi mais restaient sur le seuil. Comme on voyait à l'autre n'était pas loin, tous les deux s'aimaient, n'avaient peur de rien. Elle est partie un matin de janvier, vers ce lopin de terre que personne ne connaît. Il a repris ses chemins qu'il croyait oubliés, et c'est bien triste rue qui se nomme regret. Si un jour vous devez le croiser en allant, ne vous en fiez pas, vous n'êtes pas en danger. Ces yeux sont un peu fous, mais c'est d'être égaré. C'est notre solide histoire, et c'est nous l'enjurer. داروا هدف هذا وكبير يد ما فاد داروا ببناتهم انصك الشريط الحبايب ما بان حالهم داروا ببناتهم داروا هدف هذا وتقرير يد ما فاد داروا ببناتهم انصك الشريط الحبايب ما بان حالهم داروا هدف هذا وتدبير ياك ما فاد داروا لبناتهم انصقوا الشريط الحبايب ما بان حالهم داروا لبناتهم داروا هدف هذا وتقرير ياك ما فاد